Problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ce sera Amélie Nothomb qui sera l'invitée du 8-9 aux côtés de Benjamin Maréchal aux alentours de 8h40. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde et bienvenue, nouvelle semaine. Je me demande si entre-temps l'hiver ne s'est pas installé, Sarah Depardieu. J'ai fait un feu hier soir. C'est pas vrai. Enfin, mon homme a fait le feu. C'est toujours comme ça dans les couples, j'ai fait un feu alors que c'est lui qui a tout fait. Et mais vous avez toujours cette peau de bête sur le sol, dans le chalet? Non, il va falloir que je la ressorte, mais la dépoussiérer peut-être un petit peu d'abord. Étiez-vous dans le chalet, Jérôme Devoirzé, vous ricanez bizarre? J'étais dans l'armoire avec une vieille caméra, mais rien ne s'est passé. Ah, tant que c'est avec une vieille caméra, voilà. Je suis rassuré pour vous. C'est vous qui étiez dans le placard, Thierry Luters. Moi j'étais à Eupen pour un match samedi et là il y avait déjà un mètre de neige, vous en doutez. Ah oui, bien évidemment, vous avez l'air d'être romantique, vous, et boulot. Factuel. Et voilà la peau de bête, Christophe. Moi j'ai rallumé la chaudière au gaz, c'est moins glamour. Hein. Mais ça vous n'a pas empêché, je ne sais plus parler, de rallumer la flamme. Mais elle est active en permanence. J'ai essayé la poésie, mais je me suis en. Mais vous attisez les passions. Oh, suffit, météo. Gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Si on arrive à le faire habilement, personne ne s'apercevra que Denis n'est pas en ligne actuellement pour la météo. Ça va, il fait froid en ce moment. Il fait un feu ou quoi? Vous avez repéré qu'il faisait froid ce matin? Parce que de Nicolas n'est pas joignable. Ah, si, vous l'entendez pas? Ah si. Bonne journée à tous. C'est assez faible, je ne vous cache pas. Oui, c'est assez faible. Bref, tout ça pour vous dire que vous aurez une vraie météo tout à l'heure. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il? Vous le saurez tout à l'heure. Passons à l'information. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, une journée noire pour la banque ING. D'éveiller l'esprit critique de l'enfant, de favoriser le dialogue entre les différents courants philosophiques et de leur transmettre des valeurs citoyennes. Des enseignants ont été formés pour apprendre à être neutre. Nous rencontrerons l'un d'entre eux. Troisième et dernière semaine du procès de Bernard Westphal, l'ancien député wallon, a-t-il tué sa femme? On devrait le savoir jeudi ou vendredi. En Hongrie, c'est non à l'accueil des réfugiés, mais le référendum a été annulé car le taux de participation n'était pas suffisant. La première victoire des Mauves à Sclessin depuis 4 ans, Anderlecht remporte le Classico face au Standard 0-1. Le conseil d'entreprise n'a donc duré que quelques minutes ce matin et le couperet est tombé pour le personnel du groupe ING. On savait que si ING organisait un conseil d'entreprise extraordinaire avant l'ouverture des bourses, c'est que des mauvaises nouvelles allaient être annoncées. Des pertes d'emplois, des fermetures d'agences. Clémence Dade, vous êtes en direct du siège central d'ING à Etterbeek, en région bruxelloise. Et malheureusement, le scénario catastrophe se confirme. Nous ne sommes pas en ligne avec Clémence Date. On va essayer de rétablir la liaison avec vous, Nathalie Servet. On peut peut-être essayer de comprendre d'abord pourquoi toutes les banques sont obligées de se réorganiser. Pour le moment, il y a eu AXA, maintenant ING. Que se passe-t-il dans les banques? Oui, c'est clair qu'elles ne sont pas au meilleur de leur forme. Vous disiez, c'est pas neuf. En 14 ans, les banques ont supprimé 15 000 emplois, soit une diminution de 22% du personnel. Et cette rentrée est donc marquée par de nouvelles annonces. 850 emplois chez AXA, BNP Paribas Fortis, qui va demander une plus de flexibilité à son personnel, même s'il ne licenciera pas. Alors, quelles sont les raisons invoquées? Bien, il y a d'abord les taux d'intérêt qui sont au plancher pour le moment. Il y a aussi la concurrence entre les banques. Et puis, et c'est surtout le cas chez ING, il y a trop d'agences et trop de personnel qui y travaillent. Si c'est bien pratique d'avoir une agence dans son village ou au coin de sa rue, dans les faits, nous sommes de moins en moins au guichet. On fait la plupart des opérations maintenant via Internet. Et le fait accepte d'offrir ses services numériques, ben, ça coûte cher aux banques. Il faut savoir aussi que les agences ING ne sont pas gérées par des franchisés, mais dépendent toujours de la maison mère, ce qui coûte aussi cher aux banques. Voilà, et nous avons rétabli la liaison avec Clémence Dat qui se trouve devant le siège central d'ING à Bruxelles, où avait lieu le conseil d'entreprise extraordinaire ce matin chez ING avec, comme on le redoutait, deux mauvaises nouvelles, Clémence. Oui, le couperet est malheureusement tombé et il fait mal. 3158 équivalents temps plein supprimés. 3158 équivalents temps plein, donc plus de personnes pourraient être impactées. Concrètement, voilà comment ça se répartit. 2400 emplois supprimés chez ING, 700 chez Record Bank et ce sont 600 agences en moins sur les 1250 agences ING et Record qui se trouvent en Belgique. Ces suppressions seront étalée dès le 1er janvier 2007 jusqu'à 2021. Et donc, on peut dire que la procédure Renault est officiellement enclenchée depuis ce matin. Pour réagir à cette annonce d'ING, j'ai avec moi Philippe Samek, permanent CNE. Alors, quelle est votre première réaction à cette annonce ? Mais d'abord, ce n'est pas vraiment une surprise puisque les chiffres étaient déjà un peu sous forme de rumeurs répandues à gauche et à droite, mais c'est la confirmation de ce qui se passe dans l'ensemble du secteur bancaire aujourd'hui. Et je pense que c'est que le début de la grande restructuration qu'on va connaître et qui d'ailleurs a commencé depuis 2008 d'ailleurs. Quelles sont maintenant les suites à cette annonce ? Ben, c'est la loi Renault, donc on a un certain temps pour pouvoir poser des questions, vérifier que c'est vraiment ces chiffres-là qui seront la réalité. Maintenant, les marges de discussion seront probablement étroites, vu qu'on est ici devant une multinationale qui décide à Amsterdam et qui quand même doit maintenir son taux de rentabilité pour ses actionnaires. Donc les marges de manœuvre sont assez réduites. Merci beaucoup Philippe Samek, permanent CNE. J'ajoute que d'autres conseils d'entreprise avaient lieu dans d'autres pays dans le monde, mais on n'a pour l'instant pas encore les chiffres de ces suppressions d'emplois. Mais je rappelle, 3158 équivalents temps plein supprimés chez ING et Record Bank Belgique. Merci Clémence Dat. C'est aujourd'hui que le cours de citoyenneté arrive dans les écoles primaires de l'enseignement officiel. L'EPC, c'est le nom complet de ce nouveau cours EPC pour éducation à la philosophie et à la citoyenneté. C'est ce fameux cours de rien que les écoles ont été obligées de mettre en place à la suite d'un recours en justice de parents d'élèves. Ceux-ci estimaient que choisir entre religion ou morale, c'était faire part de ses convictions. Cela manquait donc de neutralité. Un cours neutre a donc été mis en place. Si les parents et les élèves le souhaitent, ils peuvent remplacer partiellement ou totalement le cours de religion ou de morale par ce cours neutre. Pour ce faire, des enseignants ont été formés à la neutralité. François Garit en a rencontré un. Professeur de religion depuis 16 ans, Joël Muller donnera son premier cours de citoyenneté ce lundi matin à Bruxelles. Comme 60 autres collègues, il a suivi une formation de 20 heures avant la rentrée pour obtenir le titre de neutralité, indispensable aux futurs professeurs du cours de citoyenneté. Il y avait d'abord un aspect historique de la neutralité en Belgique. On a redéfini ce que c'est que le concept de neutralité. Et alors on a eu tout un aspect aussi pratique, comment enseigner auprès de nos enfants de manière neutre. Savoir prendre position de manière argumentée ou encore comprendre les principes de la démocratie, durant une voire deux heures pour ceux qui le décident, les élèves seront formés aux principes élémentaires de la vie en société. L'objectif du cours est avant tout d'éveiller l'esprit critique de l'enfant, de favoriser le dialogue entre les différents courants philosophiques et de leur transmettre des valeurs citoyennes. Ce matin, dans certaines écoles, il y aura sûrement des ratés. La désignation des professeurs et l'élaboration des horaires posent problème. Qui reprend l'horaire de religion catholique ? Qui reprend l'horaire de religion protestant ? Qui reprend l'horaire de morale ? Qui donne coup de EPC ? Un tel changement ne va pas être évident à mettre en place. Voilà, et on verra donc tout à l'heure et dans les prochains jours comment s'organise ce cours d'EPC dans les écoles primaires de l'enseignement officiel. Ce lundi, on entame la dernière semaine du procès de Bernard Westphal. Il reste une semaine au juré de la cour d'assises de Mons pour dire si Bernard Westphal a tué son épouse, Véronique Piroton. Que va-t-il se passer durant cette dernière semaine, Sébastien Pierret ? Trois temps forts, Christophe. Premièrement, la fin des auditions. La semaine dernière, on a surtout entendu les proches de Bernard Westphal. Aujourd'hui, c'est au tour des proches de la victime. La tante et la sœur de Véronique Pierroton seront appelées à témoigner à la barre. Un doute subsiste encore à propos du fils de Véronique Pierroton, Victor. Alors, c'est certain, il ne viendra pas témoigner au procès, mais son audition pourrait être diffusée aujourd'hui si et seulement si le papa a donné son accord. Deuxième temps fort, les plaidoiries. Demain, parole aux parties civiles pour commencer, suivi par le réquisitoire du parquet. Le lendemain, les plaidoiries de la défense et les répliques. Et puis, troisième temps fort, probablement jeudi, avec la délibération du jury. On connaîtra alors le verdict et le procès se terminera par le débat sur les peines. Et c'est donc jeudi ou vendredi, normalement, que les jurés se prononceront en suivant leur intime conviction. Sur quoi vont-ils se prononcer exactement, Sébastien ? Il y a une seule question. Bernard Westphal est-il coupable ou non du meurtre de Véronique Pierroton ? Si oui, d'autres questions pourraient alors s'ajouter. Y a-t-il eu préméditation ? On parlerait alors, ce serait plus grave qu'un simple meurtre, on parlerait d'assassinat. Est-ce moins grave qu'un simple meurtre, des coups et blessures, par exemple, ayant entraîné la mort ? Eh bien, réponse, si le calendrier est respecté, fin de cette semaine. Merci Sébastien Pierret. Redoublé de prudence sur les routes, la 6e édition du marathon contre la vitesse excessive a commencé à 6h du matin. Cela signifie que la police va mener des contrôles radar intensifs, des contrôles sur les autoroutes, les routes régionales et les routes communales. L'opération durera jusqu'à 6h demain matin. Lors du précédent marathon contre la vitesse, plus de 6% des conducteurs contrôlés étaient en infraction. L'actualité internationale maintenant avec les Hongrois qui ont massivement dit non à l'accueil des réfugiés. Un référendum était organisé hier en Hongrie à propos de la répartition des réfugiés imposée par l'Europe aux différents pays de l'Union. 98% des votants ont dit non à cette répartition, mais le référendum a été invalidé car il fallait qu'au moins 50% des électeurs inscrits se rendent aux urnes et ça n'a pas été le cas. Un revers donc pour le Premier ministre Viktor Orban qui n'a toutefois pas dit son dernier mot. Reportage à Budapest de Wahoub Fayoumi. Ils étaient quelque 200 personnes sur la place des Héros hier soir à Budapest. Des torches à la main, ces militants du Parti libéral de gauche voulaient marquer le coup à la fin de cette longue campagne pré-référendum. Une campagne qui, pour eux, signifie l'échec du gouvernement Orban. En fait, je suis assez contente qu'il y ait eu à peine 40% de la population qui s'est déplacée pour aller au référendum. J'espère que ça veut dire que les Hongrois ne sont pas d'accord qu'on leur pose cette question. Un ouf de soulagement pour tous ceux qui craignaient que Viktor Orban réussisse son pari, mais le Premier ministre hongrois n'est pas du style à reconnaître la défaite. Devant la presse, Viktor Orban affirme que ce référendum est une victoire. Zoltán Kovács est porte-parole du gouvernement hongrois. En 2014, on a été capable de former un gouvernement avec 2,3 millions de votes. Cette fois, 8 à 900 000 personnes de plus ont voté pour nous. Vous pensez que c'est une défaite ? Viktor Orban a aussi défier l'Union européenne. Nous allons modifier la constitution hongroise pour pouvoir arrêter ou rendre impossible aux institutions européennes de prendre des décisions qui ne leur appartiennent pas. Malgré tout, le Premier ministre devra rendre des comptes sur le coût de sa campagne pour le référendum. Mais on ne voit pas comment un Parlement qui lui est largement majoritaire le mettrait vraiment en danger. Reportage de Wahoub Fayoumi et Jean-Marc Vierzé à Budapest, en Hongrie. Un autre référendum était organisé en Colombie. Là, la population devait se prononcer sur l'accord de paix signé entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ces rebelles qui ont semé la terreur durant plus d'un demi-siècle et pris en otage de nombreuses personnes, la plus célèbre Ingrid Betancourt. Mais les Colombiens ont dit non à cet accord de paix. Le président Juan Manuel Santos se retrouve donc dans une position inconfortable. Il assure qu'il ne se rendra pas et qu'il continuera à rechercher la paix. Kim Kardashian, victime d'une agression à main armée à Paris, la starlette de télé-réalité a été attaquée dans un hôtel par des assaillants déguisés en policiers. 10 millions d'euros en bijoux ont été dérobés dans la chambre de Kim Kardashian, mais la jeune femme n'a pas été blessée. Il est 8h12, c'est le 8-9 Sport et on revient, Christophe, sur le premier classico joué cette saison, c'était hier soir. Cela faisait 4 ans que cela n'était plus arrivé. Anderlecht est allé gagner hier soir à Sclessin, Christophe Durand. Oui, une victoire 0-1 par le plus petit écart donc. Un but de Théodore Tchik, le Polonais, qui a marqué de la tête sur une phase arrêtée à 12 minutes du terme. Un goal entaché d'une poussée fautive, mais que l'arbitre n'a pas signalé. Une légère polémique qui n'a pas pour autant empêché Youri Tielemans et les Anderlechtois de savourer ce premier succès en 4 ans. C'est vraiment fou aujourd'hui. On a montré en tant qu'équipe qu'on s'est battu jusqu'au bout. On a marqué sur une phase arrêtée et voilà, c'est un petit détail qui a fait la différence. On s'est battu chacun l'un pour l'autre et c'est ce qu'on doit faire à chaque match. On a à Saint-Etienne fait une très très bonne organisation et on était très compact en bloc défensif. Et voilà, aujourd'hui, il fallait faire la même chose et on l'a fait encore mieux même vu qu'on n'a pas encaissé. Donc c'est vraiment parfait aujourd'hui. Grâce à ces trois points, Anderlecht revient à deux points du leader Zulte Waregem. De son côté, le Standard ne pouvait pas revendiquer beaucoup plus malgré le but où il y avait une légère faute. Le Standard n'a rien montré et enregistre un second revers consécutif après celui à Amsterdam enregistré en semaine. Le coach des Liégeois, Aleksandar Jankovic, ne cherchait pas d'excuses. On n'a pas été, nous, assez dangereux, même si on avait pas mal de corners et de coups francs autour des 16 mètres. Par contre, eux, ils sont très grands et ils savent bien en profiter. Malheureusement, on a encaissé encore une fois un but sur une phase arrêtée, ça fait très mal. Dans le football, si tu gagnes ou si tu perds, il y a le prochain match qui arrive, tu dois le préparer. Maintenant, ça fait très mal parce que cette défaite va nous créer l'ambiance et l'atmosphère dans les deux semaines à venir. Ça fait jamais plaisir de travailler comme ça, mais de toute façon, on est obligé de réagir. On enchaîne deux défaites à l'Ajax et maintenant, ça fait très mal et on doit réagir à coups près. Et hier soir, il y a encore une rencontre. Genk a battu Malines 2-1 et ce match risque bien de refaire parler de lui, Christophe. Oui, car l'arbitre a expulsé le mauvais joueur. Luke Waters a renvoyé au vestiaire le Malinois Paulussen alors que c'était son coéquipier Mats Ritz qui était en faute. La phase de jeu a suscité la consternation générale. Elle devrait être revue par la Review Commission. Autre conséquence, les Malinois pourraient carrément demander à rejouer la rencontre. En golf, la Ryder Cup a été remportée par les États-Unis après trois revers consécutifs. Victoire 17-11 des Américains et malgré la défaite européenne, notre compatriote Thomas Peters a brillé tout au long du week-end avec 4 points sur 5. Le golfeur belge a réalisé le meilleur résultat dans l'histoire du tournoi pour une première participation. Enfin, en tennis, Alison Van Hooydonk a remporté le tournoi de Las Vegas. La Belge de 22 ans a battu en finale la jeune Américaine de 17 ans, Sofia Kenin, en trois manches. Van Hooydonk accroche ainsi son 12e titre ITF à son palmarès. Bon, à ça, vous ajoutez un petit conseil de lecture tout à l'heure, parce que c'est Amélie Nothomb qui sera notre invitée. Qui a déjà lu le dernier Amélie Nothomb? Ricky Allop autour de la table, Jérôme? Je n'ai pas lu. Pas encore, il est à la bibliothèque donc du 8-9. Thierry, vous avez déjà lu? Pas encore, non. Pas encore, à la bibliothèque, Sarah? Ça fait un petit temps que je ne lis plus du Amélie Nothomb. Un petit temps. Ah ben ça va vite, en une heure vous y serez, hein, ça je vous rassure. Déoda, qu'il est laid, c'est le petit garçon, il est laid, terriblement laid, mais il est intelligent, Jérôme. Il rencontre Trémière. C'est votre transition pour le cactus? Non, pas encore. Trémière, elle est belle, mais elle est bête, Sarah, vous voyez ce que je veux dire? Et les deux vont se rencontrer. Et arrive évidemment Thierry, ce qui arrivera. On va faire une transition avec Riquet à la houpe pour Jérôme de Varzé. Ah oui, c'est vrai. Vous avez un air de tintin. Il tombe amoureux ou pas? Ah ben ça c'est la fin, il faut aller jusqu'à la fin du bouquin, évidemment. C'est le nouveau Amélie Nothomb, éloge à la laideur et à la beauté. 8h15, cactus. Et vous revenez, Jérôme, sur le congrès de rentrée du PS, c'était hier après-midi. Oui, et tout d'abord en prélude de la question du lundi, personne n'a trouvé 4 milliards d'eux. Non. On va chercher alors. Claude de Spiegeler va bientôt retourner en prison. René Tonneau prochainement en sortir. Ça va se régler, cette petite histoire. Bonjour à toutes et tous. Rue Mandach, Eliomal, Zonder Femel. Hier, le congrès de rentrée du Parti Socialiste se tenait à Soigny. Les caméras de la RTBF y étaient posées, bien sûr, elles leur appartiennent. Et, cocasserie mutine, lors du reportage au JT de 19h30, on a quasiment vu qu'André Lamy. Imitant Elio, bien joué André, bien joué. Moi j'essaie d'avoir le JT 19h30 depuis 7 ans, mais je ne suis sans doute pas assez implanté boulevard Reyers. Il y a des signes qui ne trompent pas, j'ai encore croisé Jean-Paul Philippot dans les couloirs vendredi dernier. Il me disait encore « Ah !» Christophe Bourdon, et comment va Nagui? Non, ma dernière chance de faire un JT, c'est de sauver un poney éventré par des chômeurs alcooliques qui voulaient le bouffer dans une arrière-ferme du fin fond du Hainaut. Alors, je ferai l'ouverture du 19h d'Akima Darmouche, sans ça. Bien, un PS à la recherche d'un nouveau souffle. On est là, hein, vous non, inquiétez mais pas, y a on pas est de là. Problème. Un PS à la recherche d'un nouveau souffle, de modernité, d'un discours neuf. Les caméras se sont donc tout naturellement tournées vers Philippe Busquin, avant qu'Elio Di Rupo ne prenne place derrière le pupitre. Ah, ce jeunisme au PS. Et c'est la contagion, Joël Milquet revient, enfin du 109 au CDH, Jean Gaulle est d'ailleurs attendu rue des Deux Églises en fin d'après-midi, Elio Di Rupo qui a plaidé fermement hier pour la semaine des 4 jours. Le président du PS veut donc couper la semaine en deux. Voilà, le dépeceur de Mons tombe enfin le masque. La semaine des 4 jours, on comprend l'idée, lui-même n'ayant apparemment plus vraiment la pêche pour prester, ne fût-ce qu'un 2/5. Il a l'air un peu émoussé, Elio Di Rupo, vous le voyez entrer dans un bâtiment avec Marc Goblet. Bon, vous leur proposez des pâtes de fruits, un rocking chair et vous allumez Motus, quoi. Notez que cette proposition vaut ce qu'elle vaut. La semaine des 4 jours, Jacqueline Galland avait proposé en son temps la journée des 4 semaines. Donc là, on ne s'en sortait vraiment plus du tout. Elio Di Rupo qui en a profité pour brosser un portrait sombre de l'emploi dans notre pays. En effet, en Belgique, soit on n'a pas de boulot, soit on est en burn-out. Donc il faut permettre urgemment à ceux qui ne bossent pas d'enfin connaître les joies de l'épuisement professionnel. Comment faire pour redynamiser l'emploi? Partons du principe que les libéraux refusent d'être généreux et que les socialistes acceptent de l'être avec l'argent des autres. Elio Di Rupo propose que les entreprises soient co-dirigées par un CA et par un conseil des travailleurs. La vie de l'entreprise est en régie par ces deux instances. À cette déclaration, la branche dure du PS a ordonné que l'on fasse venir un exorciste. Elio Di Rupo étant manifestement possédé par Raoul et Debeau. Pourquoi une telle idée? Elio Di Rupo veut-il transformer la FNR-STAL en coopérative? Veut-il rouvrir les colcoses? On ne sait pas. Certes, à y bien réfléchir, d'autres exemples foisonnent dans le milieu, Charles Michel étant déjà co-dirigé par Bardeweaver. Paul Magnette était là, lui aussi entouré de ses nombreuses admiratrices, qui dans des effluves parfumées de nonagénaires décatis où s'entremêlaient l'eau de Cologne camphrée et la naphtaline frelatée, serraient leurs gaines pour tenter d'obtenir du bel effet zébré une ultime étreinte qui aurait pu relancer leur pacemaker avant la sieste. Le jeunisme au PS, je vous le disais. Elio Di Rupo qui a harangué Paul Magnette en lui disant qu'il avait entendu dire qu'il défendait le socialisme dans ses derniers livres. Paul Magnette précisant un peu penaud qu'il ne les avait pas lus non plus. Elio Di Rupo, qui lors de saillies humoristiques bien placées, nous a fait un peu oublier M. Zigot. Et je le remercie parce que cela fait 15 jours qu'on ne parle plus que de Bernard Westphal, alors que moi ce matin, je voulais plutôt rendre hommage à Bernard Faure. Effectivement. Ah, la grande époque du Tata Yeshow. C'était votre époque aussi, Sarah, le Tata Yeshow. J'étais petite, mais le Tata Yeshow, ouais, oui. Ça, c'était un truc. C'est la grande époque, Thierry, Tata Yeshow. Ben, moi, je faisais une autre 15 du dimanche soir. Eh ben, je sais. Très bien connu Bernard et on respecte, on salue sa mémoire. Grand artiste, ouais. Grand monsieur. Il n'y avait que trois moments quand on était jeune. Il y avait Copie Conforme, l'émission qui était la forme. Tour de chance. C'était le truc où les gens avec Guy Lemaire devaient aller dans une tour récupérer des billets. Et micro-défi. Et micro-défi, bien sûr. Et le Tata Yeshow. Vous avez connu ça, Christophe, aussi? Bah, évidemment, oui. Alors, c'est que nous sommes tous vieux. La cabine téléphonique qui descend et l'ascenseur qui s'ouvre dans la chambre à coucher. Et ben, bien ouais. Sûr. Eh ben, ouais, c'est un 8-9 avec des vieux, les gars. 8h20, c'est ça le 8-9. Moi j'étais. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Et on fait un point sur vos conditions de circulation avec Serge, notre motard. Alors Serge, visiblement il y a un accident sur le 19 en direction d'Anvers à Rumst. Je viens d'apprendre un Rums, c'est juste après Zems. Attention, ne pas confondre. C'est la E19 en direction d'Anvers, effectivement. Je me rends sur place. Pour l'instant, je viens de la E411. Nous avons eu un accident à Rosières, en direction de Bruxelles. Il reste un véhicule qui est sur la bande d'arrêt d'urgence, mais la bande d'arrêt d'urgence, à cet endroit-là, c'est la bande bus. Donc finalement, il y a une petite gêne pour les bus, mais bon, pas pour les voitures. Ça va, ça roule relativement bien. Donc pas d'autres accidents. Il y a des fils un petit peu partout, comme tous les matins. Attention, vous l'avez peut-être entendu. Il y a deux chantiers qui commencent aujourd'hui. À la porte de Ninove, il y a un chantier qui commence et un autre chantier qui commence à être près de la chaussée de la Hulle. Donc voilà, essayez d'éviter ces deux quartiers-là. Merci Serge, tout est bien noté. On refera un point sur vos conditions de circulation juste après votre journal régional bruxellois sur Viva. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. 3, 4. Pommes de renette et pommes d'api, tapis, tapis rouge. Pommes de renette et pommes d'api, tapis, tapis lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif? Cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Mathilde Thomas, créatrice de Caudalie, nous parle des effets de l'âge. C'est surtout le relâchement, l'ovale du visage se floute, la peau se détend. C'est ce que Resveratrol Lift va combattre. Et comment ça marche? Nos chercheurs de la faculté de médecine d'Harvard ont découvert que le resveratrol de vigne booste la production naturelle d'acide hyaluronique. On a breveté leur association pour créer Resveratrol Lift, un anti-âge qui repulpe, qui redensifie et raffermit le visage. Rien qu'à vous entendre, je me sens déjà plus belle. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace en pharmacie et parapharmacie. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Un dissevant en bas de l'écran et top, la victime et vous étiez proches. On a vu dans son historique d'appel que vous étiez en contact régulier avec elle. Vous êtes vu le soir de sa disparition. Où étiez-vous cette fameuse soirée entre 2h et 4h du matin? Ne confondez plus vos séries policières et vos jeux télévisés. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus clair. Ciné-Télé-Revue. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Avec un regard sport tout à l'heure, Thierry, forcément on revient sur le classico du week-end Anderlecht Standard. Vous êtes bien amusé ou c'était bof? Moyen. Moyen, ouais. Un peu. Il y a déjà eu des meilleurs, il y a déjà eu des moins bons. Écoutez, c'est ni bon ni mauvais, c'est ni pour ni contre. Il faudra nuancer tout à l'heure. Quel est l'homme du match à retenir? Olivier Descacques, qui a joué comme attaquant les 3 dernières minutes. Ah, l'homme qui a un compte pour parier, mais qui ne parie pas. Mais enfin, j'aurais parié qu'il serait monté au jeu. Ok, donc le dossier Descacques, il a joué combien de temps? 6 minutes. Ah ouais, quand même, quand même, quand même. Tout à l'heure, le Kikadi pouvait vous inscrire, venir discuter de votre week-end. Inscrivez-vous au 3063 SMS en indiquant « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes. On s'appelle, une citation à identifier, un cadeau à la clé, puis bien sûr un mot à imposer à Jean-Luc pour son live de vendredi. Kikadi, c'est par SMS au 3063. Vous vous inscrivez dès maintenant. Sarah, il est 8h25, le zaptelectelepro.be et Koé, le misogyne. Koé, qu'on ne voit plus beaucoup à la télévision, mais qui fait de la radio encore sur Énergie tous les soirs de la semaine. Ça s'appelle C'est Koé. Le CSA a mis en demeure le patron d'Énergie pour, attention, je prends ma petite feuille, pour avoir constaté de graves manquements aux dispositions relatives au respect de l'image des femmes et à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Trois dates sont pointées. La première, c'est le 17 décembre. Alors, souvenez-vous, 17 décembre 2015, c'était la veille de l'élection de Miss France. Alors, Koé est là avec tous ses chroniqueurs, etc. Il parle de ça, bien évidemment. Il lance un gage à ses chroniqueurs. Genre, quelle est votre Miss France préférée? Et puis après, il y a une deuxième question par rapport à l'élection Miss France. S'il gagne l'élection, ce chroniqueur en question, s'il gagne, il doit faire un compliment, il doit même partager sur Twitter le nom de cette Miss France. Par contre, s'il perd, il doit dire un propos vulgaire. Et c'est là qu'on... Oui, c'est là le souci, c'est là le dérapage. Par exemple, on a trouvé un tweet. Je mettrais bien une pété à... un tel, voilà. Et donc après, autour de la table, forcément, c'est devenu scabreux, etc. Et donc le CSA a mis en demeure le patron d'Énergie pour ça, pour trois dates. Comme vous l'aurez constaté, cette équipe est relativement mixte ce matin. Donc Thierry et Jérôme commentaires, parce qu'il n'y a que des hommes ce matin autour de la table. C'est inadmissible, monsieur Maréchal. Voilà. C'est scandaleux. Je voudrais bien s'y péter. Pas tout être recadré. Non, parce que Sarah nous a amené une photo des Miss en question. La réunion est particulièrement salée. Ouais. Ouais. Parce qu'ils sont là sur l'île de la réunion. On nous écoute. Tahiti est... Comment on dit ça? Vous mettrez un zeste provençal, s'il vous plaît. Ah oui, je reprendrai bien un peu de Tahiti aussi, pour tout vous dire. Attention, on ne peut pas tout dire. Non, c'est vrai, on ne peut pas. Oh, bon sang.

5. La bourse ouvrira vers 9h. On reviendra évidemment sur ce séisme social à venir. Ce sera dans le journal de 9h. Cette question, où caser les voitures de ceux qui se rendent dans le piétonnier du centre-ville? La ville de Bruxelles prévoyait d'en construire 4 nouveaux parkings de dissuasion. Elle a déjà renoncé à 3 d'entre eux, place de l'Isère, place du Nouveau Marché au Grain et près des Brigitines. Officiellement, seul le projet de la place Roupe n'est pas encore abandonné. Officiellement, parce que dans les faits, Pierre Vandenbulk, la ville compte sur l'aide providentielle d'un promoteur privé qui pourrait réaliser ce parking dans le cadre d'un autre projet plus vaste, juste à côté du bâtiment de la FGTB. Cela fait des années que c'est un chancre. Ce ne sont pourtant pas les projets qui ont manqué à cet endroit, mais ils n'ont jusqu'ici jamais abouti. Depuis le début de l'année, un nouveau promoteur, Artone, est entré dans la danse. Après avoir consulté la ville, il a introduit un permis pour une centaine de logements étudiants, mais surtout pour un parking de 200 places. Paul-Édouard Aubry, administrateur délégué. On s'est simplement rendu compte qu'il y avait une convergence d'intérêts à développer à cet endroit un parking public qui permettrait finalement de combler un manque dans toute cette partie sud du Pentagone. Tout bénéfice pour la ville qui aura son parking sans devoir éventrer la place Roupe. Geoffroy Commence, échevin de l'urbanisme. On pourra faire du win-win, je dirais, puisque non seulement on voit la suppression d'un chancre qui était là depuis des dizaines d'années, et en plus la création de ce parking qui ne gênera pas réellement les commerçants pour sa construction, puisque c'est vraiment fait dans un périmètre bâti. Et donc, ce sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile de développer ce projet sans devoir en plus déplacer tous les impétrants qui se trouvent sous la place. Laurence Rigolet, du restaurant Comme Chez Soi, se réjouit de la tournure des événements. Je pense que c'est la bonne solution. Si on avait dû ouvrir la place ici, pour vous, ça signifiait quoi? Une catastrophe, parce que le chantier aurait été énorme. Vous auriez dû fermer? À mon avis, provisoirement, oui. Avec ce nouveau projet, tout le monde semble donc s'y retrouver. Le promoteur attend maintenant que sa demande de permis soit traitée par l'administration. À 8h33, une nouvelle fresque très particulière a fait son apparition ce week-end dans le centre-ville. Un anus géant dessiné sur un mur du quai à la Houille après la pénétration, toujours dans le centre de Bruxelles, et le pénis de Saint-Gilles. C'est la troisième œuvre plutôt polémique en quelques jours. Tout cela alors qu'une autre fresque géante est en pleine élaboration, elle du côté de la gare du Nord. Elle représente une maman et son bébé, et là, l'œuvre est totalement autorisée par la ville et le syndicat CSC, propriétaire du mur. L'objectif est de donner de la couleur au quartier, comme l'explique Laurent Kaiser, le président de l'ASBL à l'origine du projet. Le projet est venu dans un premier temps avec le mur. Après, on a cherché à qui appartenait ce mur et on a cherché un financement pour réaliser cette fresque. On a proposé l'artiste Sénat, qui est polonais, qui réalise vraiment de magnifiques fresques. La ville a adoré, la CSC aussi, et nous voilà aujourd'hui en train de la réaliser. Ça change un peu puisque ces derniers jours on a beaucoup parlé de fresques à caractère sexuel. Ici c'est totalement différent. Vous en pensez quoi? Le fait qu'on puisse habiller des murs, c'est intéressant en tant qu'artiste? C'est intéressant pour l'artiste de pouvoir réaliser vraiment ce qui lui tient à cœur. Maintenant par rapport à la fresque à Saint-Gilles, c'est clair que ça peut toucher en bien ou en mal différentes personnes. Donc après ici, nous, on essaie de toucher un maximum de personnes et de ne pas vexer ou offenser certaines personnes. Interview de Karim Fadoul, une fresque qui est déjà à voir sur notre site internet www.rtbf.be/info. Vous cliquez sur l'onglet Bruxelles. Et on termine avec une autre forme artistique qui revient très à la mode chez nous. Je vous parle de couture. L'activité semble connaître une nouvelle jeunesse. Véronique Fievé l'a constaté dans un atelier d'apprentissage du côté d'Ixelles. Reportage. Ça, c'est le patron de la veste enfant. Micheline Jadot vient de lancer son petit atelier d'apprentissage à la couture à Ixelles. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la couture? Alors, les tissus, la création, je mélange les matières. Là, il y a une jupe qui est faite avec du lin mélangé avec du tissu d'ameublement. Micheline a appris la couture avec sa mère et sa grand-mère. Et après une carrière dans la confection, elle a voulu transmettre son savoir et sa passion. Les gens, je trouve, maintenant, sont très créatifs. Ils achètent, par exemple, en deuxième main un truc, mais voilà, ils veulent lui donner un autre aspect ou une touche personnelle. Voilà, c'est ça qu'on me demande. Là, on est prêt. Françoise a 30 ans, elle habite Dinan et vient de s'inscrire chez Micheline après avoir beaucoup cherché. J'ai toujours été attirée par ça, j'aime bien la mode. Oui, les matières, le toucher, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est très apaisant, c'est très décontractant et ça libère énormément l'esprit, surtout ça. Certaines élèves en feront peut-être un métier, mais aujourd'hui, beaucoup viennent à la couture quelques heures par semaine pour le plaisir du beau geste ou du vêtement personnalisé. Un atelier qui s'est donc installé du côté de la place Flaget à Ixelles. Et à noter que c'est Joëlle Milquet qui sera l'invité de BX1 aujourd'hui, l'ancienne présidente du CDH et ex-ministre, redevenue députée bruxelloise. Elle parlera évidemment notamment du séisme social qui est en cours chez ING avec 3500 suppressions de postes annoncées. Je vous le rappelle, pour l'heure, il est 8h36. Belle journée. C'est vous qui le dites à 9h avec trois débats sur la table. D'abord, faut-il imposer la contraception aux femmes qui seront des mères incompétentes, comme veut le faire l'échevin de la jeunesse à Rotterdam? Oui ou non? Ensuite, l'annonce du drame ING Belgique, 3158 emplois menacés. Est-ce que vous êtes triste pour le secteur bancaire, et notamment pour ING qui prend beaucoup ce matin? Et puis une école d'Anderlecht qui sanctionne une fille de 12 ans parce qu'elle a crié « Allah Akbar » dans la cour de récré. Pourquoi c'est d'une gravité extrême de crier « Allah Akbar » traduction « Dieu est grand ». Marion Jomotte, le standard est ouvert. Première ouverture du standard pour cette nouvelle semaine de débat. Pour nous contacter, le 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Il y a aussi notre page Facebook sur laquelle les trois débats sont déjà postés. Et on part sur les routes de retrouver Serge, notre motard. Alors Serge, comment ça roule ce matin? Eh bien, ça ne roule pas bien du tout à la fin de la E40, un peu avant d'arriver à Reyers. Hein. Souvent, à cette heure-ci, on a vraiment beaucoup de monde pour rejoindre les tunnels. Et en plus, on a un véhicule en panne, ça c'est sur la petite ceinture dans le tunnel Léopold II, en direction du midi. Sinon, dans l'ensemble, on a une journée fort chargée. Merci Serge. Alors, je vous rappelle aussi que c'est assez exceptionnel aujourd'hui. N'oubliez pas, un nouveau marathon de vitesse a lieu. Donc les contrôles se feront un petit peu partout depuis 6h du matin. Et ce, jusqu'à la fin de la journée. La police va donc mener une série de contrôles sur les autoroutes et les routes secondaires du territoire. Alors, maîtrisez bien votre vitesse. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mézère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest Genial in New Car, je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les sourires et sans trébucher. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest, c'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore Nearly New Car de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Nearly New Car. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Chute de cheveux? Pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat? Action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende. À l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Et au programme ce matin, le petit moral de Thierry qui s'est embêté dans le classico Anderlecht Standard. Relativement, oui, mais je me suis passionné pour la Ryder Cup de golf, donc c'est un week-end quand même positif. Ok, l'un chassera l'autre. Vous avez commenté le classico ce week-end, vous aviez un bouquin quand vous embêtez, vous lisez un truc pendant ou pas? Non, je papote avec mon voisin quand il y a une petite pub. Ah ouais, vous aviez senti ça au commentaire qu'il était un peu... Ah oui, je l'ai senti un peu enchiffrené. Oui, oui, je me dis que le mec fait des sudoku pendant que nous on écoute la radio, sans doute. Mais non, il est toujours passionné, Thierry. Mais évidemment, monsieur Luters. Il est 8h41, conseil lecture ce matin, c'est le nouveau Amélie Nothomb qui s'appelle Riquet à la houppe. Déoda est un petit garçon très laid, mais laid, mais intelligent. Et il rencontre Trémière, elle est belle, mais la tantine est bête quand même. Amélie Nothomb est en ligne ce matin, bonjour Amélie Nothomb. Bonjour. D'abord, il y a un truc énorme à digérer pour les mamans qui vont bientôt avoir leur bébé, c'est la naissance de ce petit Déoda. Il y a même une tante qui dit à la mère, tu te remets d'avoir un gosse si vilain. Donc on peut dire qu'un bébé est laid, on peut le dire. Mais Écoutez, ce sont des choses qui se sont déjà faites. Dans ma famille, en tout cas, il y a de glorieux souvenirs de méchantes tantes venant dire à une jeune accouchée « Ça va, tu te remets d'avoir un bébé si moche ?» Donc, c'est des choses qui ont déjà existé. Ah, c'est franchise. Alors, essayons de trouver la bonne formule. Donc, Sarah, quand un bébé est laid, comment on peut dire ça avec élégance? Moi, je pense qu'il vaut mieux pas le dire. Mais fait est que ça se dit quand même parfois. Tu as accouché du placenta. Non. C'est une formule qui en vaut une autre. Non. Ou alors vous rajoutez s'il te plaît pour que ce soit moins poli. Ah oui, quand même. Alors, il y a une vraie réflexion philosophique, blague à part. Comment supporter qu'un moment d'amour ait pour conséquence le choc toujours neuf du lait? C'est un étrange paradoxe, c'est un moment d'amour qui débouche sur du lait, Amélie Nothomb. Mais oui, mais ça se produit quand même régulièrement. Enfin, quand on prend les transports en commun, on tombe parfois sur des individus d'une laideur tellement remarquable qu'on a vraiment envie de se lever pour aller les féliciter. Et il faut bien se dire que ces gens-là ont été des bébés un jour et qu'il est quand même très peu probable que c'est été de beaux bébés. Ah, des bébés laits, moi j'en ai jamais vu, cela dit. Vous avez jamais vu de bébés laits? Non, c'est toujours beau. Ah, moi, j'en ai vu. Vous avez un filtre d'amour, vous. Mais oui. Oui. Alors, oui, non, des bébés moches, il y en a, hein, j'en ai déjà vu. Bon, si vous avez un bébé moche, manifestez-vous, puisque Sarah n'en a jamais vu. Il y a ce moment génial, page 29, quand le bébé laid se voit dans le miroir et qu'il comprend qu'il est laid. Donc ça, c'est un des personnages. L'autre personnage, c'est Trémière. Parenthèse, pourquoi elle s'appelle Trémière, cette jeune fille? Mais écoutez, je me suis dit que le prénom Rose existait. J'ai imaginé une rose qui serait très longue, très grande, qui pousserait très haut. Et je me dis, pourquoi ne pas l'appeler Trémière? Alors, cette jeune fille, elle est belle. Elle est magnifiquement belle. Mais elle a une qualité. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs, Thierry, si c'est une qualité. La qualité de cette jeune fille qui est belle, c'est la pamoison. Est-ce que vous entendez dans cette phrase qu'elle est bête ou la pamoison peut être, Thierry, une vraie qualité? Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Je ne me suis jamais posé cette question. Ce sont dans le classico. Le terme est un peu obsolète, mais sympathique. Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus intellectuel pour de la philosophie autour de la table? Oui, Sarah. Monsieur... Alors, la pamoison. Ouais, la pamoison, c'est une qualité ou ça veut dire qu'elle est bête? Et ça veut dire quoi déjà? Tomber en pamoison. Donc, c'est ça, Amélie Nothomb. Elle est là, elle regarde. Elle est étourdie, alors. Elle regarde. Je trouve que c'est une qualité. Oui, mais c'est vrai qu'une telle qualité peut donner l'air stupide à celui qui l'a. Et c'est parce que même sa mère dit « Je ne parviens pas à m'extasier sur cette petite qui a l'air bête ». C'est génial parce que vous avez écrit des parents qui sont terriblement durs. Non, je pense qu'ils sont de braves gens, mais qu'ils sont tout à fait perplexes face à leur rejeton. Les uns face à leur rejeton incroyablement vilain, et les autres face à leur fille qui leur donne l'impression d'être complètement stupide. Ce sont des situations qui existent et qui ne doivent pas être très faciles à vivre. Il y a une grande réflexion ça, sur l'injustice des naissances, sur une certaine conception de l'intelligence, dans le fond, puisque le petit Déoda, il est intelligent, mais c'est plus une intelligence quoi, affective, émotionnelle? C'est ça, c'est plus l'intelligence de l'autre, parce que aujourd'hui on s'intéresse beaucoup aux quotients intellectuels, et je sais pas vous, mais moi j'ai rencontré je sais pas combien de gens qui avaient des quotients intellectuels faramineux, et qui étaient, excusez-moi, mais de vrais crétins. C'est-à-dire que dans la conversation, ça ne donnait absolument rien, ils avaient l'air des débiles mentaux. Mais qui? Donc je ne dis pas que le quotient intellectuel ne signifie rien, bien sûr que ça signifie quelque chose, mais ce n'est certainement pas la seule forme d'intelligence, et personnellement, je suis plus attachée à une autre forme d'intelligence, que j'appelle le sens de l'autre, qui est ce don qu'ont certaines personnes d'entrer tout de suite en relation très profonde avec vous, de se sentir vraiment qui est l'autre. J'appelle ça le sens de l'autre. Et parenthèse, c'est vrai qu'on parle beaucoup du QI, notamment la semaine dernière avec le procès Westphal, où il y a eu toute une conversation sur le QI de l'accusé avec des batailles d'experts. Qui a déjà testé son QI autour de la table? Jérôme, vous connaissez ou pas? Mais alors ça dépend des tests de QI. Parce qu'il y a l'intelligence verbale. Oui, c'est ça. Bon, quand il s'agit de triturer des lettres, je suis Einstein. Ouais. Par contre, dès qu'il s'agit de logique mathématique, là, je n'ose même pas dire, mais c'est la débilité profonde, quasiment. Ah, vous êtes une Trémière, alors, pour reprendre les personnages. Alors moi, et sans épine. Attendez, parce que je vois le regard inquiet de Thierry. Thierry et moi, j'ai fait peser mon cerveau l'autre jour. Non, je ne suis pas. Moi, je crois qu'il est, allez, sans vouloir être immodeste, relativement élevé, mais... mais sans être immodeste. Mais ça n'empêche pas, me semble-t-il, d'avoir aussi de l'empathie et l'intelligence de l'autre. Amélie Nothomb, que penser d'un homme commentateur sportif qui dit « je pense être plus intelligent que la moyenne des gens qui écoutent ce matin ». Son cerveau pèse plus lourd, oui. C'est pas pareil. Qu'en pensez, Amélie Nothomb? Je veux le rencontrer. Ah, voilà. Vous allez souffrir, mais vous ne serez pas déçus. Le nouveau Amélie Nothomb s'appelle donc Riquet à la houppe, parenthèse, puisque tant qu'on vous a en ligne, un mot sur les pages People, dans le Parisien Magazine. Dans le Parisien Magazine, je vous découvre fan de Rihanna. Vous êtes fan de Rihanna? Vous? Écoutez, on était censé parler de ses goûts inavouables dans cette interview. Ben, là donc, il ne s'agissait pas de dire qu'on adorait Jean-Sébastien Bach. Et c'est vrai, cela dit, que j'aime beaucoup les chansons de Rihanna. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais encore Rihanna et ça donne, c'est fou ce que ça donne envie de danser quand même. Ben alors allons jusqu'au bout. Vous êtes plutôt Tal ou vous êtes Chaim? Pardon? Quoi? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je précise à l'ensemble du public que ce sont deux chanteuses. Amélie Nothomb, Riquet à la houppe, merci d'être passé ce matin, excellente journée. C'était un plaisir, bonne journée à vous aussi. À bientôt, et alors je vous lis l'arrière du bouquin. L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. C'est amusant et ça se lit rapidement. Qui le veut dans la petite bibliothèque? Moi, je peux bien, moi. Vous voulez bien? Oui, je le veux. Mais pas le revendre au magasin de seconde main. Alors, gardez-le. Très bien. Alors, dans ce cas, je le... Vous êtes sûr? Oui, non, je suis sûr. Je le prends. Ne le vendez pas. Dans un instant, qui a dit? Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Hey, ça va, tiche ? Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant! Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Le 8-9. Le 8-9 s'installe à Houtain-le-Val. Bonjour Raymond. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Vous nous localisez Houtain-le-Val sur la carte. On est à côté de quoi par rapport à Paris? Par rapport à Paris, on n'est pas très très loin. On est à côté de Nivelles-Genappe. Ah oui, c'est ce qui me semble. Ben, c'est sur le 19, hein, c'est sur l'axe. Quel genre d'homme, Raymond, êtes-vous? Vous êtes comme Déodat, très laid mais intelligent, ou vous êtes comme Trémière, très beau mais bête? Ah, je suis un doux mélange. Un doux mélange, ça va. Dit. Jouons au Kikadi. Il y a un cadeau à la clé et un mot, bien sûr, que vous imposez à Jean-Luc Fong. Vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table. Kikadi, vais-je voter? Je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Vais-je voter? Point d'interrogation. Je ne l'ai d'ailleurs jamais fait. Kikadi ça? Danny Boone, qui s'interroge sur son devoir électoral? Emmanuel Macron, nouvelle égérie politique française, ou Michel Polnareff qui a un avis sur tout et son contraire? Souhaitez-vous, Raymond, l'aide de Thierry, de Jérôme ou de Sarah? Jouez avec moi, Raymond. Eh bien, écoutez, je crois que la meilleure chance à mettre de mon côté, c'est Monsieur Encyclopédie, donc je vais aller pour Thierry. Monsieur Cerveau-Lourd. Monsieur Cui, au-delà de la moyenne. Je crois que j'ai la réponse, parce que j'ai lu son interview dans la DH, me semble-t-il, ce week-end. Je crois que c'est Michel Polnareff. Il dit Polnareff. Allez-vous suivre l'homme qui a rendez-vous avec Amélie Nothomb ou pas? Vous me dites, Raymond? Mais oui, je vais suivre. En plus, j'adore Polnareff. Bravo. Ben, c'est une bonne réponse, bien joué. Des invitations pour aller à l'Etias Trophy 2016. Ce sont des invitations pour les finales simples et doubles dimanche 9 octobre, l'Automons Expo. Vous aimez le tennis, Raymond? Oui, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien. Oui, tout à fait. Oh, c'est la finale. Oui, et puis la buvette est toujours bien hot dog qui traîne quelque part. Ah, ouais. Oh, comme vous y allez pour ce tournoi. Ben non, ben il aime moyen le tennis. Et au pire, vous draguerez votre voisine. Raymond, quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc? Au pire. Mais écoutez, j'avais pensé à Marlin. Marlin, qu'est-ce qu'un Marlin? C'est un type d'espadon. Oui. N'est-ce pas? Vous saviez, mais Jérôme? Absolument, mais bien sûr que c'est un type d'espadon. Oui, et en quel milieu naturel trouve-t-on le marlin? Mais enfin, mais bien entendu, enfin, l'espadon, enfin. Et alors, monsieur Cerveau, il savait un marlin? Non, franchement, non. Non, vous saviez? Pardon? Ça va? Merlin, je connais Merlin. Pas confondre avec le merlu. Raymond, vous pêchez le marlin? Je n'ai pas eu l'occasion, enfin, j'en ai jamais eu. Voilà. Ok. Eh bien, le marlin, vous avez fait notre culture, Raymond. Amélie Nothomb plus le marlin. Je vous en prie. Ma semaine est faite, franchement. On peut s'arrêter ici. Eh bien, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Salut, Raymond. Et donc, quelqu'un dans l'équipe devra dire à Jean-Luc Fong qu'un marlin est un espadon. Sinon, ça va être compliqué. Bah, voilà. Quand Capitaine Haddock crie marlin d'eau douce. Oui, voilà. Sur ce trait d'humour, nous allons vers la publicité, car un regard sport nous attend. Ah, c'est comique quand même. La Pro League. La Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Electro Dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? C'est simple. Nous commandons en grande quantité pour obtenir les meilleurs prix. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodépôt.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Electro Dépôt. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Je viens d'acheter un laptop chez Vandenborre. Et vous savez quoi? Je suis sûr à 100% d'avoir payé le prix le plus bas. Car j'ai suivi les promotions des autres magasins et j'ai vu que Vandenborre adaptait toujours ses prix. Et si le prix diminue après mon achat, on me rembourse la différence pendant 30 jours. C'est fort ça! Alors, si vous me demandez si je suis content de Vandenborre, je peux simplement vous dire oui, très content. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Jusqu'à 9h, le 8-9. Avec un humoriste professionnel, la question dit d'intérêt général. Merci. Je vous en prie. Les policiers seront payés en retard dans le traitement de leurs heures supplémentaires. Comment nommeriez-vous cette note de service? Jean-François Rascarte propose opération gilet pas de balle. Philippe Mestré, la police fait des râles. Oh. Alors que Cylian Delvaux, c'est poulet aux heures mornes. Oh. Oui, voilà. Genre, festival. Le footballeur Olivier Doscac aura donc bien parié lui-même de l'argent sur le résultat de sa propre équipe. Comment nommeriez-vous ce dossier? Bon, vous répondez sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition jusqu'à demain. On corrigera ensemble. Et puis si vous êtes sur le web, sur vivacité.be, c'est toute la revue de presse, l'équipe de ce matin qui commente les journaux, notamment ces seniors qui se sont redit oui. Quel est l'intérêt de se marier une deuxième fois avec la même personne? Vous découvrirez qui sont les plus romantiques de l'équipe. Ouais, c'est possible. Et il y en a qui ne sont pas du tout romantiques. Il y en a qui ne sont pas du tout romantiques. Sacré Thierry Jérôme. C'est sur vivacité.be. Comme ça balance. Quelles sont ces insinuations? Alors que nous, on a divorcé 2 fois avec la même personne, rendez-vous compte. Ah, vous êtes mariés ensemble, donc vous n'êtes pas... Nous sommes paxés. Ouais. 8h55, le regard sport, pendant donc que Jérôme tricote à la maison, Thierry est au foot, et commente le classico de ce week-end, Standard Anderlecht 0-1, comme je vous ai senti non enthousiaste. Non, mais c'est Thierry. Pas vrai, non, c'est pas vrai. Arrêtons, si. Coupons les ailes à ce canard. Non, le contraire de l'enthousiasme, c'est le non-enthousiasme. C'est un match fermé, c'est un match tactique. Anderlecht était bien disposé, coupé les lignes de course, coupé les angles de tir pour l'adversaire. Le Standard a dominé. En première mi-temps, c'était 71-29 la possession de balle, ce qui était énorme, mais c'était vraiment de façon stérile. Ils n'avaient pas d'occasion. Ils ont eu un tir cadré sur tout le match. Et alors, il y a la trajectoire un peu particulière du gardien de but, Jean-François Gilet, 37 ans, je le rappelle, qui a fait un très bon début de saison, qui fait des arrêts formidables hier en première mi-temps, mais Il n'est pas bien sorti, enfin, il est sorti, il n'aurait peut-être pas dû sur le but inscrit par Anderlecht, par Teodorczyk, l'attaquant polonais, qui n'est pas le plus sympathique. Je l'ai vu passer hier en salle d'interview, en zone d'interview, la Mixed Zone. Figurez-vous que je lis ça dans la presse partout ce matin, que le gars est même plutôt désagréable, en fait. Oui, c'est un caractère un peu particulier. Il faut dire que les Polonais, Anderlecht avec Wasilewski, on connaît. Mais il est efficace. C'est ce qu'on lui demande. Hein. Donc il a quand même marqué 8 buts depuis qu'il est arrivé à Anderlecht. Ah, c'est un vrai débat. Est-ce que l'efficacité permet de ne pas dire bonjour, Sarah? Non, jamais de la vie. Jérôme, est-ce qu'il vaut mieux être sympa et pas marquer de buts? Mais voilà, je pose la question un peu comme le roman d'Amélie Nothomb. Est-ce qu'il vaut mieux être sympathique et inefficace que l'inverse? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Non, mais c'est une question métaphysique, vous comprenez. Bien sûr. Alors ce gars-là, il performe vraiment à son niveau d'il y a quelques mois ou il performe que... Non, il est très très très bon. Hein, et parce que, question transfert, Anderlecht a transféré un joueur pour près de 10 millions, Stanciu, le Roumain, qui a joué à gauche, alors qu'on attend plutôt numéro 10. Lui, par contre, on peut se poser des questions. Pour le moment, il ne répond pas du tout à l'attente. Mais bon... Il faut aussi un certain temps d'adaptation pour certains joueurs. Est-ce qu'il est prêté avec une option d'achat? Ça, c'est le Polonais. Le Polonais. 5 millions de... Oui, je pense qu'un buteur pareil, à mon avis, il faut plutôt le garder. Hein. J'en reviens à ce classico, standard Anderlecht. Fin de match, et voilà que qui monte au jeu? Qui? Notre bon Oli. Olivier Descacht. Oui. Intimité. Non, c'est une façon de parler. Donc, je rappelle rapidement qu'il est impliqué dans un dossier d'accusation de Paris. Il a ouvert un compte à l'époque pour parier et il dit que c'est son frère qui l'utilise et que ce n'est pas lui qui utilise. On attend l'épilogue officiel judiciaire. Il est toujours soutenu par son club. Hier, c'était très comique parce qu'il est monté à 3 minutes de la fin et soudainement, il est allé jouer en attaquant. Chose totalement inédite de sa longue carrière parce que c'est un défenseur central ou latéral. Et il courra un peu comme un fou. Il a même essayé un grand pont. Et pour les gens qui suivent Anderlecht régulièrement, c'était vraiment un spectacle un petit peu surréaliste de voir ça. Mais bon, c'est sans doute ce que le coach lui avait demandé en fin de match. C'est quoi, c'est un cadeau pour dire on le soutient? Bon, c'est peut-être un peu pour lui décharger un petit peu l'esprit après une semaine un petit peu compliquée. Et alors, je signale qu'il y avait un autre joueur qui était aussi concerné, c'est Tuur Dirks, qui joue à l'Antwerp, qui a marqué hier un but pour l'Antwerp. Petite clin d'œil symbolique aussi. Fin de la parenthèse. Alors du golf, maintenant, je sais que vous aimez ça Thierry. Ryder Cup, l'Europe battue par les États-Unis, mais vous retenez un nom. Ben oui, c'est Cocorico, hein, Thomas Spitzer, notre compatriote qu'on connaissait déjà un peu, l'anversois de 24 ans, 1m96, grand champion au propre comme au figuré. On se rappelle qu'il avait été malheureux aux Jeux Olympiques, 4e, la pire place évidemment au pied du podium et des médailles. Mais là, il a été fantastique, il a gagné 4 matchs sur 5, il a rapporté 4 points à l'Europe. 3 en jouant avec McIlroy, Rory McIlroy, la star irlandaise qui ne tarissait pas d'éloges à son égard. C'est un très très grand espoir, c'est un champion formidable. À mon avis, il va gagner les grands tournois. Ça va devenir un des plus grands sportifs belges contemporains. J'ai juste un tout petit bémol, si j'ai encore 30 secondes. Je vous en prie. Parce que hier, je l'ai regardé sur une chaîne française privée qui a diffusé la Ryder Cup pendant 4 jours. On lui posait les questions en français. Je sais qu'il ne parle pas bien français. Il a tout répondu en anglais. J'aurais quand même voulu qu'il dise 2-3 petits mots en français. Puisqu'on lui posait la question en français, en termes de marketing, je retrouvais que c'était bien joué. Mais bon, permettrait de vous signaler que Kim Clijsters, en matière d'interview en français, n'a jamais eh bien, je l'ai stigmatisé à l'époque aussi. Vous l'aviez dit ? Oui, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que Jean-Michel Saint et Philippe Gilbert ont été très populaires ? Parce qu'ils ont fait l'effort d'apprendre le flamand et de le parler. Et Justine Hénin a-t-elle parlé flamand ? Non plus. Donc c'est un vaste débat. Voilà. Mais c'est plus dur de l'apprendre à Monaco. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez 2 jeans pour seulement bam, 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, car cette offre se termine déjà demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Avec Denis Collard, je ne sais pas si c'est l'hiver ou si c'est l'automne, vu la couleur du ciel, la pluie, tous les trucs. Ben oui, un petit peu de tout. C'est vrai que sur l'ouest du pays, le soleil est là, mais il fait bien frais. Sur le nord-est, ce sont des averses qui arrivent actuellement en région bruxelloise aussi. Donc là, c'est encore un petit peu l'automne. Mais tout cela va laisser la place à un temps plus sec cet après-midi. 12 à 17 degrés. Et puis la semaine s'annonce sèche, elle aussi, avec demain encore assez bien de nuages bas. Mais dès mercredi, du soleil. On est en automne. Mercredi, on ne dépassera plus 10 à 15 degrés. Bon lundi matin sur Viva, il est 9h.